fédéral. 1-1, fédération. Les rues de nos villes, j'ai toujours été un traîneur. J'ai d'autres honneurs, je suis speed et j'ai pas besoin d'entraîneur. Y'a ceux qui se battent et y'a ceux qui sont partis civils. Portés sans vie, encore les mêmes qui sont partis civils. Dans les rues de nos villes, y'a pas d'histoire comme l'affaire du trou. Ma perte du trou, est-ce qui vient chez nous, c'est l'enfer du trou. Chez nous, y'a que des crânes chauds, tous taillés au sécateur. Je sais que dire, je suis là seulement pour vaincre celui qui a tort. Arrête tes coups de cymbale, là t'es pas le sexe symbole. Chez nous, y'a pas de mec qui s'emballe. Le pire, c'est pas Saint-Paul, tu veux squatter chez nous. Ici, c'est pas les portes ouvertes, juste pour tes verres. On est tellement que ça foutrait tes portes ouvertes. Les ma ville, Champigny 94. C'est de la balle plus bombée que le boule d'une carte à 14. Elles font parfois violentissime, en pas à quatre pattes ou en mieux lentissime. Soit pas le chic et sinon en chien lentissime. En plus de champions et de mecs plus scopés, des tasse et des mises coquettes. On aime prendre des risques coquets, mais aussi des boulets à 50 en discothèque. Sinon y'a pas de mafia et pas de bar à pute. Les femmes sont belles, le stringa remplacer le parachute. Y'a des chevaliers, mais pas de ceux de Saori. KF est sur la chevalière, c'est nos colères, faut qu'on part au rire. Car dans nos têtes, on trouve ça. C'est malsain, j'ai la pression si j'assure pas. 24 sur 24, on est déjà sur place. La rue la garce, la rue la pute, et je suis tombé dessus. Ça s'embrouille, y'a du sang, cousin, et je suis tombé dessus. Arrête ça, c'est que j'habite, c'est rumeur tri. J'ignore les bruits et les rumeurs tristes. Merde, on assume tous, car on est tous d'ici. Solidaires, tous unis comme les 12 disciples. Ouais. Des AR, y'a que le rap qui nous initie. Minutieux, prends pas qu'on taffe dans une usine ici. J'parle pour tous mes refrains qui ont su rester humble. Respect, stade mes pas, viens en tester. Pas de répit, c'est clair, aucune allergie. Tu l'as senti, c'est du rempart. Observe, c'est pas mon merci. Plus l'argent crie, le rythme fait l'alerte en prise. Nous on se bat sur le dernier souffle, on connaît la repéra. Ouais pour sa face, mon dernier souffle. Pas de répit, c'est clair, aucune allergie. Tu l'as senti, c'est du rempart. Observe, c'est pas mon merci. Plus l'argent crie, le rythme fait l'alerte en prise. Nous on se bat sur le dernier souffle, on connaît la repéra. Ouais pour sa face, mon dernier souffle. Ouais ouais, KF, ouais, substance, fédération. Je rappe dans les rues de Paname, y'en a qui reste la bouche ouverte. Je monte pas dans la peau sévère, me mettrai dans la bouche ouverte. Nique sa mère, les fédérés autant du rap. Les bâtiments de l'envie, on te dira autant du rap. C'est pourtant du rap, allez mais je mange pas ce pas. Toujours les mêmes qui vont bouger nos vies, donc on va faire les meilleurs morceaux de Paname, avec un rap underground. J'ai mon son à tous les mecs qui comme moi mettent les gendarmes, gros, le rap de rue, c'est le gros. Tout droit de la rue, c'est le gros. Qui rap vénère comme un rue, c'est le gros. Si ma rime, c'est le gros. Dès qu'on se détruit, c'est le pro. Fais son rap de rue, on prend sort du rue, c'est le gros. Mais pour nos villes, Matt, tu nous fais cimenter. Le puits c'est monté, stopper ces mythos qui mentaient, alimenter. Les rues de ma ville, et les mecs, quoi. Et les rues de ma ville, les romans vis, tous ces putes à vide, dégassage. Les cassages, je suis là, pour un décrassage, dégage. Arrête de faire ta fine bouche. Tu vas nous rire comme un film, boule, vite bouche. Dégage PD, j'ai pas une vie pour, j'rime lourd. J'en profite pour que j'écrase ma rage. Car j'suis pas pour des temps, t'auras pour ma rue, j'pense les peut-être temps. Maintenant ferme ta gueule, postige-toi et pète tes courtes. Mets la pression, rien à foutre que tu perds tes couilles. Arrête de baver sur nous, on capte rien pour t'articule. J'ai tarté plus, j'suis pas gay, mais mon art en cul. Trop de traves dans le rap, des entraves à l'oral. Donc grave dans le crâne, des gens braves à l'oral. La morale, on s'en bat les reins, truc mémorable. Mais on rap, car dans nos rues, les jeunes et les mômes rap. Moi je reste humble, pour être comme un remède soignant. La rue saine, j'accepte le doute que le remède soit lent. Je te dis pas baisse la tête, mais reste cool. Le 17 pas la rescousse, tu seras pas première de faire rescousse. Pas de rubis, c'est clair, aucune allergie. Tu l'as senti, c'est du rempart. Observe, c'est pas mon archive. Plus l'argent crie, est-ce qu'on a l'air champion. Nous on se bat sur le dernier souffle, on connaît la repéra. Ouais pour sa face, mon dernier souffle. Pas de rubis, c'est clair, aucune allergie. Tu l'as senti, c'est du rempart. Observe, c'est pas mon archive. Plus l'argent crie, est-ce qu'on a l'air champion. Nous on se bat sur le dernier souffle, on connaît la repéra. Ouais pour sa face, mon dernier souffle.